Alors le 5 mai, sans surprise, Jacques Chirac conserve les clés d'Élysée avec plus de 82% des voix. Il ne prendra pas un ministre socialiste, alors que tant d'électeurs de Lionel Jospin ou d'autres composantes de la gauche ont voté pour lui. Oh, certes, pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, mais tout de même. D'ailleurs, dans ses mémoires, Jacques Chirac lui-même reconnaît que sur ce plan-là, il a commis une erreur. Alors au bout du compte, Lionel Jospin a perdu parce qu'il a fait une mauvaise campagne? Parce que son bilan à Matignon n'a pas convaincu? Pourquoi a-t-il perdu? Quant au Front National depuis 2002, il est devenu un parti présentable, bleu marine, une couleur que beaucoup de Français estiment fréquentable. D'ailleurs, la fille de Jean-Marie Le Pen n'hésite pas, avec son staff de politique assez jeune et bardé de diplômes, à intégrer dans son programme un volet social, quitte à dire n'importe quoi sur l'économie, si l'on en croit beaucoup d'économistes. Mais derrière cette façade, elle porte toujours les thèmes prégnants de son père, les provocations en moins. Aujourd'hui, les sondages lui dessinent un avenir radieux, deuxième tour, en 2017, on verra. Quoi qu'il en soit, le 21 avril 2002 restera une date clé de notre histoire politique. Vous avez remarqué, la lumière des difficultés que rencontre le président Hollande, comme on parle du risque d'un 21 avril, ou comme on a parlé lors de la dernière campagne d'un 21 avril à l'envers. Plus qu'un repère, cette date du 21 avril est devenue dans notre vie politique un syndrome. Vous imaginez si les présidents, ce que ça va devenir la France? Franchement, vous imaginez la jeunesse comme nous? J'ai vu les larmes aux yeux, les nouvelles ce matin, 20% pour l'horreur, 20% pour la peur, ivre d'inconscience, tous fils de France, au pays des lumières, amnésie suicidaire. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le 21 avril 2002, avec notre invité, le philosophe Bernard Stiegler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je voudrais citer parmi les nombreux livres que vous avez écrits, publiés, celui-ci, Chef Lamarion en 2013, intitulé « Pharmacologie du Front National », puisque nous sommes là dans le sujet. Alors 2002, on l'a vu avec le récit, on n'a pas vu arriver le FN, pas complètement, parce qu'on s'est dit, les Français ne franchiront pas le plafond de verre, tout comme les Américains avec Trump, et pourtant ils l'ont fait. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Ben, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs de causalité. C'est tout le problème. Il faut démêler tout cela. Je pense qu'ils l'ont fait d'abord parce qu'ils souffrent, tout simplement. Et que il faut pas dénier cette souffrance, qui est d'ailleurs aussi elle-même multifactorielle, si je puis dire. On souffre parce qu'on s'inquiète pour ses enfants, énormément. On souffre parce qu'on n'a pas de travail. On souffre de l'insécurité, qui est une réalité, et ça a été une dénégation pendant très longtemps, disant que ce problème ne se posait pas vraiment. En fait, il y a un processus de dénégation de toutes sortes de réalités dont les Français souffrent. Mais pas simplement les Français, toute l'Europe. L'Amérique, le monde occidental. Le monde, et même le monde entier, pourrait presque-t-on dire. En tout cas, derrière tout cela, il y a des transformations. Et je dirais qu'il y a deux très grandes transformations sur lesquelles on n'a toujours pas vraiment fait le travail d'interprétation qui serait requis. Voilà. Et moi, je suis extrêmement frappé de voir comment la droite comme la gauche, d'ailleurs, n'ont pas tiré les conséquences du deuxième tour du 21 avril 2002. Il n'y a pas eu de travail fait. C'est quoi les deux axes dont vous parlez? Alors les deux axes, eh bien, c'est d'abord le tournant de ce qu'on appelle la révolution conservatrice, qui est en fait la financiarisation. Les années 80 avec Reagan. C'est la fin des années 70 en Angleterre et le début des années 80 avec Reagan. Et qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait soutenu par Jean-Marie Le Pen. Reagan est le héros de Jean-Marie Le Pen. Il se dit à l'époque être le Reagan français. On financiarise l'économie. Et en même temps, on tient un discours contre la financiarisation. C'est la duplicité de ce modèle conservateur dont Trump est d'ailleurs un produit direct. Pourquoi est-ce qu'on financiarise l'économie? Eh bien parce qu'on découvre au cours des années 70, chez les républicains américains et les conservateurs anglais, que le capitalisme industriel est en train de se transformer en profondeur, que ce qu'on appelle les nouveaux pays industriels sont en train de prendre le contrôle de la production, la Chine notamment, mais bien avant la Chine, le Japon, les dragons asiatiques comme on les appelait, etc. Et des conséquences en sont tirées par le capitalisme occidental, mais surtout anglo-saxon, c'est laissons faire, gardons le contrôle de la finance et devenons un capitalisme financier. Ça, c'est ce qu'organisent Thatcher et Reagan, sans le dire évidemment, hein, mais en revanche, en développant toute une nouvelle idéologie. Alors, l'idéologie reaganienne est basée sur un nationalisme américain, l'idéologie thatcherienne est plutôt une mise en évidence du néolibéralisme et une revendication d'une nouvelle orientation. La deuxième cause, c'est 1993, l'apparition du World Wide Web, qui est une transformation énorme qui va se préparer sur la planète, qui est une, à mon avis, une bonne transformation d'ailleurs, hein, mais qui ne va pas être portée et assumée par ceux qui l'ont créée. Qui sont-ils? Les Européens. Parce que le web a été conçu en Europe, en Suisse, avec le soutien de la Commission européenne, et c'est une invention fantastique, mais personne ne va en tirer conséquence, ni sur le plan économique, les acteurs économiques européens ne vont rien voir, ni sur le plan politique, aucun parti politique ne va comprendre ce qui se joue là, et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner la Silicon Valley. Et ça, ça va créer une transformation considérable qui produit aujourd'hui ce qu'on appelle la disruption. C'est-à-dire un sentiment qu'on ne maîtrise absolument plus rien, que tout a échappé à toute puissance publique, à toute délibération, à toute démocratie, et donc un retour vers qui? Orban en Hongrie, Trump aux États-Unis, peut-être Marine Le Pen aux prochaines élections. Ah, ça veut dire que ces deux axes ont généré des dénis de démocratie, parce qu'effectivement, quand on délègue la sphère politique, délègue le pouvoir à la sphère financière, il y a un déni de démocratie, puisque on a une oligarchie de quelques milliers de personnes qui va décider pour l'ensemble de la planète, y compris pour des produits de première nécessité sur lesquels on spécule, alors qu'il y a la famine ici et là. C'est un déni de démocratie. Évidemment. Et ce qui est un peu terrifiant, c'est qu'en Europe, la Commission européenne va régulièrement bafouer la démocratie. Par exemple, en refusant des référendums, des résultats démocratiques. Et en les dépassant, en les remettant en question. Et ça, c'est absolument une catastrophe. Et que fait l'Europe en tant que Commission européenne? C'est pas la même chose que l'Union européenne, la Commission européenne. Absolument. Elle n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas de politique publique, qu'il faut laisser l'initiative au marché, etc. Ce que ne fait pas du tout l'Amérique, parce que on dit toujours aux États-Unis c'est le marché qui innove, etc. C'est archi faux. Moi j'ai travaillé à l'époque où j'étais à l'INA d'ailleurs, j'étais directeur général de l'INA à une époque, directeur général adjoint, et j'étais en charge de la veille, à l'époque de Jospin d'ailleurs, de la veille technologique sur l'audiovisuel. Et j'ai fait une note en disant, mais il y a d'énormes investissements. Ernst Schiller a montré par exemple qu'en 20 ans, via l'armée américaine, l'État fédéral américain a investi 1000 milliards d'argent public, de dollars, 1000 milliards de dollars d'argent public pour développer une politique industrielle. Oui. Pendant ce temps-là, on dit en Europe, il faut pas de politique industrielle, il ne faut pas de politique nationale, il ne faut pas de politique de l'Europe, il faut laisser faire le marché. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est devenue est en train de devenir un pays arriéré, complètement dominé par les États-Unis. L'homme malade du monde occidental? Bah c'est quelque part. Ce qui est une catastrophe pour, non seulement pour le monde occidental, mais pour le monde entier. Parce qu'il n'en reste pas moins que, étant donné que l'Europe, depuis 2 siècles et demi, a investi dans l'éducation, la santé, etc., ça reste aujourd'hui le continent le plus solvable, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et si l'Europe s'effondre, comme on peut le craindre, c'est le monde entier qui s'effondre. Alors, je suis votre raisonnement, donc ces deux axes créent un déni de démocratie, et quelque chose est extrêmement frappant. Ce matin, il y a des milliers de personnes qui vont manifester devant l'immeuble Trump pour manifester leur colère par rapport à ce qui est un vote et qui s'appelle la démocratie. On marche complètement à l'envers. Mais en fait, ils accusent Trump de ne pas être démocrate, parce que c'est un petit peu ce qu'ils disent aussi, et en même temps, ils refusent le résultat démocratique. Pourquoi? C'est parce qu'on ne vit plus en démocratie, en réalité. On vit dans une société qui est une espèce de caricature de la démocratie, et que par ailleurs, ces personnes-là, appelons-les les gens de gauche, les démocrates, les libéraux, au vieux sens du terme, eh bien, ne veulent pas analyser ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'on refuse d'analyser depuis déjà 2002. Voilà. Et à partir de là, dans la mesure, quand on ne veut pas analyser, on fait de la dénégation et on fait du symptôme. On se voit de la face. On crie, on hurle dans les rues, etc. On ne réfléchit pas. Maintenant, il faut se mettre à réfléchir. Alors, effectivement, donc on va voir ce qu'on peut faire, mais encore sur le constat, cette montée des populismes qu'on voit dans l'ensemble du monde occidental, qui apparemment n'est pas une vue d'esprit, hein, c'est une réponse irrationnelle, inadaptée finalement à cette crise de la démocratie, et pour vous c'est le début, ce n'est que le début, ou c'est un phénomène malheureux et passager? Ah non, non, c'est pas du tout passager, malheureusement. Hein. Bon, je dois vous dire que j'ai écrit un livre en 2003, qui s'appelle du 11 septembre au 21 avril, où j'ai essayé d'anticiper ce qui allait se passer. Et j'ai parlé de Richard Durne aussi, pas simplement des Twin Towers, et évidemment des élections et de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, en disant que c'était un long processus qui ne faisait que commencer. Bon, ça n'a absolument aucun effet sur la sphère politique, d'où qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Ensuite, en 2012, avec Arsène Husserl, dont je suis le président, nous avons fait un article dans Télérama pour dire le vrai sujet des élections de 2012, où François Hollande a été désigné par les primaires, c'est 2017. Est-ce que Madame Le Pen sera présente au deuxième tour, enfin, voire présidente de la République en 2017? C'est bien le sujet dont il s'agit maintenant. C'est un problème de fond. Pourquoi est-ce que ce problème qui se produit absolument partout dans le monde, voilà, et en particulier dans les grands pays industriels, se produit? Eh bien, c'est parce que derrière cette question de la crise de la démocratie, il y a une crise économique absolument colossale. Et cette crise économique colossale, de quel ordre est-elle? Elle est de l'ordre d'une transformation par le numérique de toute production économique, et qui impose en particulier de tirer les conséquences d'un processus d'automatisation qui est en train de se développer à très très grande vitesse. Et qui crée de l'insécurité mentale. Qui crée de l'insécurité mentale et de l'insécurité généralisée, on pourrait dire. Mmh. Vous savez qu'aux États-Unis, par exemple, là, il y a une réindustrialisation qui est en train de se produire, sauf que les usines, il n'y a que des robots dedans. Donc c'est une réindustrialisation qui ne produit pas de travail. Et à partir de là, si vous regardez, le Guardian a fait un petit documentaire audiovisuel il y a 2 semaines, je crois, sur les causes du succès de Trump, de quoi il s'agissait, notamment de l'automatisation de la production minière. Par exemple, il y a des mines aujourd'hui qu'on ouvre aux États-Unis, mais avec des robots. Il n'y a plus d'ouvriers dedans. À partir de là, il y a à en tirer les conséquences. En 1933, Roosevelt et Keynes ont dit, et pour lutter contre le nazisme, il faut redistribuer autrement. Ils ont créé ce qu'on appelle le New Deal. Ils ont lancé le New Deal et l'État-providence à l'américaine, le Welfare State. Ouais, mais si on dit ça, les gens vous disent, mais non, ce modèle de l'État-providence, contrairement à ce que disait Reagan, qui disait le problème, c'est l'État, ça ne fonctionne plus. Non, mais je ne dis pas du tout qu'il faut faire l'État-providence. Okay. Ce que je dis, c'est qu'il faut tirer les conséquences, qu'il va falloir redistribuer. Parce que l'automatisation va produire, mais si les gens n'ont pas d'argent, personne n'achètera. Donc on ira vers une crise de surproduction colossale, bien pire que 2008. Bien pire. À partir de là, il faut se mettre autour d'une table pour commencer à discuter. Alors, moi, je crois pas trop aux discussions, simplement. Bien que je sois philosophe, donc un homme de la parole. Et c'est pour ça que j'ai lancé avec Patrick Boirazek et Pleine Commune en Seine-Saint-Denis un programme sur 10 ans. Qui est d'ailleurs soutenu par Thierry Mandon, qui était au départ soutenu par Emmanuel Macron, d'ailleurs, puisque nous avons été chargés par le gouvernement, par 3 ministres, Macron, Mandon et Jean-Vincent Placé, de lancer une expérimentation sur 10 ans avec Pleine Commune. Pourquoi faire? Pour tester une économie contributive et un revenu contributif qui n'est pas le revenu minimum d'existence, mais qui est un revenu qui redistribue tout à fait autrement à des gens, non pas pour les emplois qu'ils ont, parce qu'ils en auront de moins en moins, mais pour le travail qu'ils produisent hors emploi, un petit peu sur le modèle des intermittents du spectacle. Ce programme est lancé aujourd'hui. C'est un programme qui intéresse énormément de gens. Je discute avec des très grands syndicats ouvriers qui veulent s'investir sur ce programme. Je discute avec de très grands industriels qui s'intéressent à ce programme, avec des banques, avec des personnalités de la haute fonction publique. Parce que tout le monde sait, en réalité, que le modèle produit à l'époque de Roosevelt, c'est terminé, c'est fini. Alors ce prototype-là, parce que c'est un prototype, dans la mesure où il serait prototype, ça veut dire qu'il pourrait être élargi, applicable à l'ensemble des problématiques de ce monde. Oui, et je discute d'ailleurs avec d'autres territoires, en Angleterre, au nord de l'Angleterre, en Chine, parce que la Chine est frappée aussi par l'automatisation de manière extrêmement dangereuse. 100 millions de robots sont prévus en production dans la Chine dans les prochaines années. Et j'en discute aussi avec même les États-Unis, avec des gens aux États-Unis qui s'intéressent beaucoup à ça, en Californie d'ailleurs. Il est évident qu'il faut produire un nouveau modèle macroéconomique. Tant que nous ne parlerons pas clairement, Monsieur Hollande disait on va revenir au plein emploi. C'est absolument n'importe quoi. Tout le monde sait que c'est absolument n'importe quoi. Mais on continue à faire cette rhétorique à laquelle absolument personne ne croit. Mais Monsieur Juppé dit la même chose, tout récemment. Donc il faut dépasser cela et produire un discours de vérité, rationnel, et produire un vrai projet collectif pour la France et pour l'Europe. Alors, non pas en opposition à ça, mais le phénomène de résonance est assez saisissant, résonance disharmonieuse pour le coup. On va écouter ce que dit Trump, ce qu'il a dit pendant sa campagne. Vous allez voir, dans le côté Yaka Faucon, bon, on fait pas mieux. Sadly, the American dream. Le rêve américain est mort. Our country is in serious trouble. Notre pays est en danger. We don't have victories. Nous ne gagnons plus. Our enemies are getting stronger. Nos ennemis sont de plus en plus forts. Politicians are all. Les hommes politiques parlent, mais ne font rien. Our country needs. Notre pays a besoin d'un homme fort. I will be the greatest. Je serai le plus grand pourvoyeur d'emplois que Dieu ait jamais créé. Je ferai revenir nos emplois et notre argent. Nous allons rendre sa grandeur à notre pays. Et ça marche. La preuve. Ça marchera pas longtemps. Ça marchera pas longtemps parce que ce qui fait la force de l'Amérique aujourd'hui, c'est la Silicon Valley. La Silicon Valley soutenue par l'armée américaine et la NASA. Or, la Silicon Valley développe toutes les technologies pour la destruction de l'emploi. À partir de là, la question qui va se poser pour M. Trump dans les semaines qui viennent, c'est comment il va travailler avec la Silicon Valley. La Silicon Valley a développé avec l'administration Obama un système qui est une espèce de gouvernement bis. On dit souvent, par exemple, Evgeny Morozov a montré dans un livre que les décisions se prennent de plus en plus dans la Silicon Valley et non pas à Washington. Moi, je crois que face à cela, nous, parce que ce qui se passe en Amérique, c'est l'affaire de l'Amérique, mais nous sommes en Europe et nous avons à développer une nouvelle politique industrielle, une nouvelle politique du numérique. Non pas pour essayer de singer les Américains. Dès qu'on cherche à les imiter, on est perdant. Parce qu'on leur prépare, par exemple, on va développer... J'avais dit ça à Jean-Marc Ayrault, il se trouve que je le connais un petit peu. Et donc, quand on a investi 15 milliards de dollars dans la fibre optique pour faire du très très haut débit, si on ne crée pas par ailleurs une activité qui va... Eh bien, on crée Amazon, Google, etc., peuvent détruire le commerce local, les librairies, toute l'activité territoriale. Donc on crée des infrastructures, on les finance pour se faire en fait piquer l'activité. Donc ça, c'est pas cohérent du tout. On n'a plus de vision de l'avenir dans ce pays et dans ce continent d'ailleurs, parce que c'est pareil dans toute l'Europe. Il faut relancer cela. C'est ça que nous essayons de faire à Pleine Commune. Nous travaillons avec Orange sur ces questions, parce que voilà, nous avons ici des très bons ingénieurs en Europe. Excellents, les meilleurs, les très bons mathématiciens. Les meilleurs au monde. Et il faut que nous développions un autre modèle qui est un modèle soutenable. Le modèle actuel du développement du numérique, c'est la destruction de l'emploi, c'est la destruction de l'économie, c'est la destruction de l'amitié, des relations par les réseaux sociaux, etc. etc. Il faut, moi, je suis pas du tout un adversaire du numérique. Dans mon institut, nous développons des technologies numériques. Mais il ne faut pas le faire sur des modèles qui nous desservent complètement et qui, en plus, ne sont pas soutenables. Les gens se sentent très mal, moi, aujourd'hui, dans cette société. Alors, peut-être parce que on ne leur explique pas assez, ça peut aussi poser la question des intellectuels. Aujourd'hui, la question elle est pas posée. La réponse, vous êtes là, vous vous exprimez. Est-ce que les intellectuels jouent leur rôle? Non. Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il y a depuis 40 ans au moins une dénégation, je parle des intellectuels français en particulier, de la réalité. Il y a du déni partout, et les intellectuels, les tout premiers, pas tous bien entendu, j'ai des amis avec qui je travaille dans le monde intellectuel, mais massivement, le monde qu'on appelle intellectuel, moi c'est pas mon vocabulaire, parce que je suis un manuel moi, mais disons que le monde académique et le monde scientifique, artistique, culturel, etc., n'ont absolument pas assumé leur responsabilité. Je suis très très très critique sur François François Hollande, sur son Premier ministre, etc. Et pour tout dire, je les combats sur bien des points. Mais en même temps, il ne s'agit pas d'en faire des lampistes. Un Premier ministre, un président de la République ou un représentant politique, c'est un produit d'une société. Et cette société ne fait pas son travail. Normalement, ce qu'on appelle les partis de gauche, par exemple, mais aussi les partis de droite qui sont véritablement républicains, appelons-les comme ça, ce sont des gens en France de tradition qui s'appuient justement sur les scientifiques, les intellectuels. Et bien alors, les pourquoi ce sont des gens intelligents? Pourquoi ils n'écoutent pas, par exemple, ce paradigme que vous proposez, notamment par le numérique, mais avec une autre utilisation? Comment ça écouter? Par exemple, Mme Morin de Sailly m'invite au Sénat dans pas très longtemps, je discute avec pas mal de gens. Avec des gens plutôt de gauche en général, mais aussi des gens de droite. Il y a des gens très intelligents à droite. Et il y a des gens très sincères, disons, surtout. L'intelligence m'est un peu égale, mais la sincérité, c'est très important. Et il y a des gens qui sont très inquiets aussi, qui ne le disent pas, parce qu'il faut jamais le dire. Voilà. Si vous êtes mort, si vous dites que vous êtes inquiet, dans le monde du business ou dans le monde de la politique, faut jamais dire ça. Faut toujours dire, vous inquiétez pas, faut inspirer confiance. C'est ce qu'on dit. Je pense que c'est une immense erreur. Parce que les gens ne vous croient plus du tout. Donc, aujourd'hui, il faut absolument que le monde intellectuel, le monde scientifique, le monde artistique, se remobilise sur toutes ces questions. Aujourd'hui, il est commandité par des programmes à très court terme, qui sont financés par l'Union Européenne, avec aucune vision de l'avenir. Donc, uniquement pour développer du business, etc. Et il faut reprendre ce que fait l'Amérique avec l'armée, qui investit des milliards de dollars dans une vision où on n'est pas sûr des résultats économiques, où on développe une intelligence. Bien, donc j'ai bien retenu, hein, dès lors qu'on mènera une politique efficace de redistribution, on guérira les causes du mal et les conséquences seront différentes en termes de vote politique et ces populistes auront moins de tribunes. Pour l'instant, ils en ont encore. Alors on va écouter Marine Le Pen et la réaction de Marine Le Pen à l'élection de Donald Trump. Le peuple américain s'est exprimé. La démocratie, c'est précisément de respecter la volonté du peuple. Et si les peuples réservent autant de surprises dernièrement aux élites, c'est parce que les élites sont complètement déconnectées. C'est parce qu'elles refusent de voir et d'entendre ce que les peuples expriment. Mais vous n'êtes pas aussi une élite, Madame Le Pen. Vous avez 10 ans de politique derrière vous, vous êtes députée européenne, votre père a fait 5 campagnes électorales. Est-ce que vous ne faites pas aussi partie du système? La preuve que non. Puisque systématiquement, je me retrouve seule à défendre des positions contre l'ensemble de la classe politique et médiatique qui, eux, défendent la même. Regardez cette élection. Ils étaient tous des soutiens d'Hillary Clinton, de Nicolas Sarkozy, en passant par François Hollande, en passant par l'intégralité de la presse française. Pas un seul média, pas un seul responsable politique pour dire... Mais écoutez, Hillary Clinton est pour le TAFTA, alors que le TAFTA est ce traité transatlantique qui va avoir des conséquences extrêmement graves sur nos agriculteurs ou sur nos industries. Madame... Dieu merci, c'est la raison pour laquelle je me réjouis. La question que je veux vous poser après l'écoute de cette archive est la suivante. Alors, on parle du divorce entre les élites et le peuple, et on en parle et on le redit, mais est-ce qu'il faut déresponsabiliser les électeurs? Parce que ça renvoie à ce que disait Hillary Clinton, qui a beaucoup choqué en disant « les électeurs potentiels, ceux qui veulent voter pour Donald Trump, sont stupides ». En gros, hein, je traduis grossièrement, sont stupides. Est-ce que vous pensez qu'il faut responsabiliser les électeurs? Bien entendu qu'il faut responsabiliser les électeurs. D'une façon plus générale, il faut re-responsabiliser tout le monde. Vous savez, le 23 octobre 2008... Alan Greenspan a été mis en cause au Sénat par une commission sénatoriale présidée d'ailleurs par des républicains qui lui ont dit « c'est vous le crack de 2008 ». Il a répondu « non, c'est pas moi ». Nous sommes tous responsables, ou personne ne l'est, parce que ce sont les algorithmes qui décident de tout. Donc il y a une dilution de responsabilité généralisée aujourd'hui. Et le marketing, de façon générale, par exemple, lorsqu'il vise un consommateur, c'est le rendre totalement irresponsable. Jeter les canettes par la fenêtre, etc. Il ne faut pas que le consommateur réfléchisse aux conséquences de ses actes. Il faut que un bon consommateur, c'est un irresponsable. Comme le consommateur de drogue est un irresponsable. Mais ça va très très loin. Alors, ce que je crois, c'est qu'il faut reconstruire la responsabilité. Nous pensons qu'il est tout à fait possible de le faire, que ça demande du temps. Et que ça suppose effectivement de sécuriser l'économie par une politique qui n'est pas du tout, on va redéfendre l'emploi, etc. Il faut être il faut être lucide. L'emploi va diminuer de plus en plus. Ce que dit Oxford, c'est que 50% des emplois en France aujourd'hui sont automatisables à l'échéance de 20 ans. Il faut regarder ça en face, il faut l'assumer. Et il faut se mettre à discuter avec les partenaires sociaux en disant, bien, on va produire une autre valorisation. Nous nous appuyons, nous, sur un autre économiste qui s'appelle Amartya Sen, qui a développé le concept de capacité. Nous pensons qu'il faut redonner aux individus du savoir. Qu'est-ce que c'est que l'emploi? C'est quelque chose que vous faites en ayant perdu vos savoirs. L'emploi, c'est ce qui vous servait un système SAP, un système automatisé, comme Alan Greenspan qui dit « je ne sais même pas comment ça marche », parce qu'il a dit ça. Oui. Et il faut reconstruire du travail où les gens savent comment ça marche et sont responsables. En plus, on a un petit problème à résoudre quand même, qui est l'anthropocène et le fait que, quoi qu'il en soit, alors ça c'est la très très mauvaise nouvelle Trump, nous allons vers une intoxication générale de la planète. Donc si nous ne sommes pas capables de changer très très profondément les modes de production, nous sommes cuits. Ça suppose une re-responsabilisation et ça veut dire qu'il faut tout changer progressivement, non pas pour faire peur aux gens, mais avec une réflexion rationnelle. Merci infiniment Bernard Stiegler. Je rappelle le titre de votre dernier livre, s'appelle « Dans la disruption », ça veut dire le bouleversement, hein. « Comment ne pas devenir fou ». Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui le 21 avril 2002, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, ce sera la fiction. Elle sera consacrée à Hugo Pratt, père de la célèbre bande dessinée Corto Maltese.